Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. Célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'on apprécie la volonté politique qu'il y a dans le pays pour faire respecter les droits de l'homme. Et puis dans ce journal également, vous entendrez les réactions du parti UPRONA et du parti Sawania Frodebou à travers leur président à propos de la correspondance du président de la République envoyée à son homologue ougandais, président de la communauté est-africaine, qui lui demandait d'inscrire la question des relations entre le Burundi et le Rwanda sur l'agenda du prochain sommet de l'EAC. Et puis le docteur Mukwege va recevoir officiellement aujourd'hui à Oslo son prix Nobel de la paix. Voilà pour les quelques titres. La radio de l'avenir. Rebonjour. Si le président burundais décide de s'adresser au président de la communauté des pays de l'EAC sur la question burundo-rwandaise, c'est qu'il y a vu que ce conflit doit trouver une solution, car il est le garant de la paix et de la sécurité dans le pays. C'est le président du parti UPRONA qui fait cette analyse après la correspondance du président burundais à son homologue ougandais, lui demandant d'inscrire en priorité cette question à l'agenda du prochain sommet des chefs d'État de l'EAC. Abel Gachatsi explique que la question n'est pas à négliger vu qu'il y a des politiciens en exil au Rwanda. Suivez le président du parti UPRONA au téléphone avec Placide Niyomwongere. Au sein du parti UPRONA, nous prenons acte de cette position car le président de la République du Burundi, il est le garant de la paix et de la sécurité des Burundais. La question qui divise aujourd'hui le Burundi et le Rwanda, c'est une question qui a pris l'ampleur et qui devrait en principe trouver une solution. Vous savez très bien qu'il y a des milliers de Burundais qui se trouvent au Rwanda qui devraient rentrer et préparer avec les autres Burundis. Le parti que vous présidez, UPRONA, a répondu à 4 sessions du dialogue inter-burundais qui se déroulaient à Arusha, sauf la 5e session. Est-ce que la question burundais-rwandaise a un lien sur le blocage de ce dialogue? On ne peut pas nier que cette question n'a pas de lien sur le blocage qu'on observe aujourd'hui, car on sait très bien que les policiers en exil, il y a un grand nombre qui se trouvent pour le moment au Rwanda. S'il a dit que les relations entre le Burundi et le Rwanda se normalisent, je pense que ces gens-là vont rentrer. C'est une question qu'on ne peut pas négliger, car d'ailleurs, le Burundi et le Rwanda, nous avons presque une même histoire, nous avons même frontières, on parle la même langue, donc on ne peut pas s'éterniser dans des conflits. Le parti qu'on a recommandé des partis, c'est-à-dire le Burundi et le Rwanda, de s'asseoir ensemble et de s'entendre pour que le différent qui les oppose se termine. C'était Abel Gachatsi, président du parti UPRONA. Le conflit entre le Burundi et le Rwanda n'a pas été présenté sur la table du dialogue inter-burundais à Arusha au cours des sessions précédentes. Mais si la médiation décide de l'ajouter sur son ordre du jour, cela veut dire que la question doit être résolue. Selon le président du parti Sawania Frodebou, Pierre Claver Nahimana trouve que la problématique est sérieuse si les présidents ont décidé de passer par des correspondances en plus d'autres voies d'échange. Suivez. Ce n'est pas commun, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des correspondances de ce genre, parce que les chefs d'État ont une façon de communiquer qui n'est pas nécessairement à travers les correspondances. Lorsqu'ils prennent la décision de passer par des correspondances de ce genre, ça veut dire que la question est très sérieuse, très très sérieuse. Donc, nous avons pris la chose au sérieux. Ce que nous demandons au niveau du parti Frodebou, nous demandons que les deux pays fassent le tout, qu'ils utilisent tous les moyens nécessaires, notamment les ministres qui ont en charge ce secteur, de prendre tous les contacts nécessaires entre eux pour qu'ils s'entretiennent et règlent ce problème. Si les relations entre le Rwanda et le Burundi sont effectivement en frein, nous insistons pour que ce problème soit réglé absolument. Le parti Sawania Frodebou a répondu à toutes les sessions du dialogue qui se tenaient à Arusha. Est-ce que la question burundo-rwandaise semblait être un blocage pour la poursuite de ce dialogue inter-burundais? Cette question n'est pas venue à l'ordre du jour. Il y a certainement une allusion à une problématique de relation entre notre pays et les voisins, mais il n'était pas spécifiquement instruit à l'ordre du jour. La justification, ça a été le fait qu'il y avait un deuil. La justification n'était pas la relation entre le Rwanda et le Burundi. Maintenant, si on on décide de l'inscrire à l'ordre du jour, certainement que la question, on ne peut pas l'éviter. Nous nous demandons si la médiation se mette à l'œuvre. S'il veut inclure cette question à l'ordre du jour, qu'on le fasse pour que l'on puisse continuer les travaux de façon normale et surtout pour que les Burundais nous ne continuent pas à penser, écoutez, les relations sont mauvaises entre le Rwanda et le Burundi, donc nous pouvons avoir des problèmes ultérieurement. Il faut que ce problème-là soit trouvé une solution. Le président du parti Sawanya Frodebou, Pierre Claver Nahimana, au téléphone avec Placide Niyomungere. Célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. L'organisation Parsem exprime sa satisfaction par rapport à l'existence de certains articles de ses déclarations dans la Constitution burundaise. Dans un point de presse ce lundi, le président de cette organisation a regretté le manque persistant d'un franc débat interne au Burundi sur les droits de l'homme. Faustin Ndikumana demande aux différentes institutions concernées de faire de ces questions leurs préoccupations. Suivez Faustin Ndikumana, c'est le président de l'organisation Parsem. Certes, nous nous réjouissons que le gouvernement, depuis une bonne période, a inscrit la déclaration universelle des droits de l'homme dans les textes fondamentaux comme la Constitution. Déjà, grand chose, c'est qu'on y croit. Mais il faut débattre sur ça. Combien de personnes qui savent vraiment le contenu de la déclaration universelle des droits de l'homme, surtout les dirigeants. Parce que nous voyons qu'à travers le pays, il y a suffisamment de comportements, par exemple, en matière d'arrestation arbitraire. Les institutions devraient redoubler de vigilance, d'efforts, notamment l'État. Il y a le ministère des droits de l'homme, le Parlement, il existe des commissions parlementaires, j'ai de la question. On a le CNDH, il y a l'ombudsman aussi qui doit s'occuper de cette question. Il y a la police, la justice, la société civile. On devait refaire une coalition, une dynamique interne qui devait nous servir de booster et l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. C'est pour cela que nous demandons vraiment le gouvernement dans ces jours-ci d'organiser un atelier national ou les états généraux sur les procédures regard d'arrestation dans son pays. Faustin Ndikumana qui s'est également exprimé à propos de la fermeture du bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme au Burundi. Le président de l'organisation Parsem estime que le gouvernement devrait fédérer la dynamique interne, quelle que soit la présence ou non de ce commissariat. Il reconnaît tout de même que ce bureau peut aider. Pour moi, l'acteur principal pour faire respect des droits de l'homme, c'est le gouvernement. Nous avons une constitution qui a des articles qui font respect des droits de l'homme. Le gouvernement souscrit justement à la déclaration universelle des droits de l'homme. Les institutions sont là. Je m'adresse au gouvernement de faire tout ce qui est possible, de fédérer cette dynamique interne pour booster les droits de l'homme, quelle que soit l'existence ou non du bureau spécial des Nations Unies des droits de l'homme. C'est la volonté, la dynamique interne qui est nécessaire. Le bureau peut aider. Bien sûr, mais s'il y a des bruits diplomatiques entre le gouvernement ou telle autre institution, moi j'ai vu ton gouvernement. Si tu es un gouverneur de province, tu ne dois pas emprisonner quelqu'un injustement parce qu'il y a ou il n'y a pas le bureau spécial des Nations Unies. C'est pour cela qu'on invite le gouvernement à prendre ses responsabilités en s'appuyant sur les textes auxquels il a souscrit lui-même. Et au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, l'on apprécie la volonté politique qu'il y a dans le pays pour faire respecter les droits de l'homme. Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la CNIDH, évoque notamment la mise en place des lois, mais aussi des institutions visant à renforcer ce secteur, comme la CNIDH même, le bureau de l'Ombudsman, la Commission Vérité et Réconciliation sévère, etc. Mais pour lui, ces institutions ont besoin plus de financement pour mieux travailler. Il affirme en outre que les textes vont de pair, en grande partie avec la pratique. Jean-Baptiste Baribonekeza a également un mot à dire sur des rapports produits sur le Burundi en ces temps. Suivez, il est au micro de Léonce Vitalio. Quand on regarde par exemple la façon dont nos prisonniers sont traités en termes de que les conditions physiques de détention, les mesures d'abolition de la torture et les mesures par exemple d'assurer l'accès à la justice, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Mais on est conscient évidemment qu'il y a d'autres choses qui doivent continuer à être faites dans d'autres secteurs et notamment que nous avons besoin de continuer à investir dans les questions fondamentales comme par exemple le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, etc. Cette journée arrive au moment où il y a des rapports qui sont publiés par certaines organisations, même l'ONU, et rejetés par le gouvernement burundais. Quel serait votre point de vue par rapport à cette situation? Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des rapports. Le problème, c'est des rapports qui ne disent pas la vérité ou qui disent des contre-vérités. On a effectivement assisté à une série d'acteurs qui viennent soit par complaisance, soit par mégarde, ou peut-être même par mauvaise foi, n'est-ce pas, produisent des rapports. Et puis quand vous regardez le rapport et vous comparez avec la situation sur terrain, vous dites en quoi est-ce que ce rapport reflète vraiment ce qui se passe dans le pays. Alors, nous encourageons des méthodes et des stratégies de reportage et d'analyse qui permettent non seulement de refléter la vraie situation sur le terrain, mais la reflètent de façon constructive et en fait font des recommandations qui aident les Burundais à se retrouver. Mais nous sommes contre, évidemment, les rapports qui divisent ou les rapports, si vous voulez, qui provoquent des mesures destructives pour le pays. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à la décision du gouvernement de fermer l'Office du Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies au Burundi? Il y a des informations qui sont déjà disponibles comme quoi le bureau en fait existait dans la quasi-licéité, en tout cas sur le plan du droit international, que les normes, si vous voulez, devant régir les activités de ce bureau n'était pas à jour. D'un autre côté, on sait qu'il y a eu des efforts de négociation afin de raviver, de redynamiser les relations de coopération entre l'Office du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme et le gouvernement du Burundi. Je me rends compte que justement, il y a une approche plutôt incompréhensible de la part du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme qui cherche en fait à imposer des choses. Je pense personnellement qu'il y a besoin, si vous voulez, de faire évoluer les positions. Si vous voulez, en aidant le Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme justement à recadrer son approche de sorte justement à ce que, par exemple, si la coopération devait reprendre, elle puisse reprendre dans des conditions qui respectent les principes internationaux de souveraineté, de réciprocité. Et cela fait donc 70 ans que la Charte internationale des droits de l'homme a été signée. Le coordinateur résident des Nations Unies au Burundi, Gary Conille, se montre satisfait des réalisations du gouvernement burundais dans ce domaine. Il affirme par ailleurs que les Nations Unies ne ménageront aucun effort pour soutenir le pays dans le renforcement des droits de l'homme. Et cette célébration coïncide avec la fin des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre au Burundi et est célébrée en zone Gatumba de la commune Mutimuzi de la province Bujumbura. Et ailleurs, le docteur Denis Mukwege va recevoir officiellement aujourd'hui à Oslo son prix Nobel de la paix à la veille des élections, le plus célèbre des gynécologues congolais, dénonce l'échec de la stratégie de la communauté internationale et l'impunité qui perdure dans son pays et appelle l'ONU à protéger les civils en RDC. Ce pays est cité par l'ONG Amnesty International où le combat pour les droits humains est encore loin d'être gagné, notamment avec la répression des manifestations pacifiques qui a fait de nombreux morts et blessés cette année. Dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde et notamment sur le continent africain, Amnesty International note cependant d'extraordinaires progrès accomplis ces dernières décennies en Afrique. Cette année, la Journée internationale des droits de l'homme coïncide avec, donc, je le disais, les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce 10 décembre. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Retour en actualité nationale, certains commerçants du marché de Ruvumera de la mairie de Bujumbura se disent satisfaits de la réhabilitation de ce marché en matériaux durables et modernes. Ils expliquent que même si l'infrastructure leur a coûté cher, leurs marchandises ne sont plus exposées aux dangers, notamment aux incendies. Reportage Moïse Misako. Nous sommes au marché de Ruvumera en cours de réhabilitation, les commerçants étant au service. Les commerçants de ce marché indiquent que ce sont eux qui ont demandé à la mairie de Bujumbura la réhabilitation de ce marché. Ils se disent satisfaits même s'ils expliquent que le coût de cette réhabilitation est élevé. Oui, c'est juste, c'est nous-mêmes qui avons demandé à la mairie qu'on puisse nous construire en métal tant que les autres marchés qu'on est en train de construire ça en métal. L'état du marché est en bon état parce que c'est construit en métal et nous-mêmes, nous sommes très satisfaits d'avoir construit en métal. Ce commerçant dit que cette réhabilitation en matériaux modernes a une plus-value. Il avance que leurs marchandises sont protégées contre tout incendie. Oui, il y a une grande plus-value. Avant, c'était construit par des bois, mais pour le moment, on est en train de construire par des métaux. Maintenant, vraiment, nous sommes très satisfaits d'avoir construit en métal parce que ça nous protège beaucoup des incendies entre les différences des bois et l'étole. Cette réhabilitation est progressive. Les stands déjà construits, les commerçants reprennent leurs activités. Certains commerçants dont les stands ne sont pas encore réhabilités se réjouissent de ne pas être obligés d'interrompre leurs activités. De son côté, l'administration de ce marché dit que le coût d'un stand partagé s'élève à 730 000 francs alors que celui d'un seul commerçant est de 849 500 francs. Et d'ajouter que parmi les obstacles figurent les coupures répétitives de l'électricité et de pluie. La finalisation de cette réhabilitation est prévue au mois d'août l'année prochaine. Moïse Missago. Les agri-éleveurs de la commune Bouyga en province Karoussi s'indignent de verser le lait par terre suite au manque de débouchés, malgré la modernisation de leur centre de collecte. Cela arrive après la distribution des vaches de race moderne. Il y a 2 ans, le Prodéfi modernise leur coopérative. Paradoxalement, les résultats de l'étude rendue publique il y a une semaine par le même projet montrent que 10% des enfants de moins de 5 ans sont mal nourris. Blaise Pascal Kararoumi. Les agri-éleveurs disent être choqués de verser le lait par terre, même lorsque ce lait est collecté au niveau de leur coopérative, et cela suite au manque de débouchés. Les responsables de la coopérative des agri-éleveurs de la commune Bouyga, province Karoussi, indiquent que ces éleveurs collectent plus de 1200 litres de lait par jour au centre de collecte actuellement modernisé par le projet Prodéfi. Ces derniers déplorent qu'ils ont été obligés de verser par terre une partie de ce lait et que de là, ils ont suspendu cette collecte, expliquant que la population du chef-lieu de la province Karoussi ne fait consommer qu'entre 300 et 400 litres seulement. Cela étant ainsi au moment où ce centre de collecte est suffisamment équipé en matériel nécessaire tant pour la collecte du lait, mais aussi pour la transformation du lait. Le responsable de cette coopérative, Pacifique Chilambéré, tranquillise que l'espoir se trouve dans le projet de fabrication du fromage qui pourra être exécuté d'ici peu. Cette situation est paradoxalement ainsi, d'autant plus que le même projet Prodéfi vient de rendre public dans les 2 semaines passées les résultats de son enquête qui montre que 10% des enfants de moins de 5 ans et même les femmes allaitantes et enceintes sont des mal nourris. Même le problème se fait parler dans d'autres communes de la province. Aussi, et le lait se vend entre 400 et 700 francs. Le prix que les éleveurs qualifient de dérisoire par rapport aux besoins du bétail. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Du sport, pour boucler ce journal, les équipes ougandaises se sont classées premières dans les compétitions de différents jeux interparlementaires de la communauté est-africaine qui se sont déroulés à Bujumbura depuis le 3 décembre et clôturés ce dimanche. Le Burundi a obtenu la première place au volleyball. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé, c'est le lancement officiel de la 5e édition du championnat interuniversitaire burundais. Les détails avec Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. Les compétitions des jeux interparlementaires de la communauté est-africaine qui se sont déroulées à Bujumbura depuis le 3 décembre ont été clôturées ce dimanche. Les équipes des parlementaires ougandaises ont été classées premières dans 3 disciplines, à savoir netball, volleyball féminin et au football. La formation des parlementaires burundaises s'est qualifiée première dans la discipline de volleyball masculin. L'honorable Balamama Chantal, l'une des participants affirment que ces jeux ont été organisés dans le cadre d'harmoniser la cohabitation des pays membres de la communauté est-africaine. Nous sommes satisfaits de ces compétitions auxquelles nous avons participé. C'était des jeux amicaux. L'essentiel pour nous était de renforcer notre fraternité, mais pas pour gagner ou vaincre. Ça a été bien, comme vous l'avez remarqué. Sauf le Rwanda et le Soudan du Sud qui se sont absentés dans ces compétitions pour des raisons inconnues, les autres pays membres de l'EAC, à savoir le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, ont répondu présents dans ces compétitions. Sport toujours, la 5e édition du championnat interuniversitaire a été lancée ce dimanche à l'école normale supérieure de Kamenge. Gaspard Banyankimbona, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précise que le nombre des universités qui participent dans ce tournoi augmente. Le nombre d'universités qui participent à ce championnat interuniversitaire augmente. Maintenant, on en est à 21. C'est à partir de cette année que les universités vont commencer à participer au championnat interuniversitaire au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end écoulé, c'est le match amical en badminton entre le Burundi et la Chine, organisé dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de la signature de la coopération sino-burundaise. Abedi François Ndondo, président de la Fédération burundaise de badminton, précise que bientôt la fédération va octroyer des outils de travail dans le but de promouvoir ce sport au Burundi. Ce qui nous reste maintenant, c'est de donner les outils de travail à ces enseignants d'éducation physique, c'est-à-dire le matériel de badminton. Là, je vais mentionner les filets, les poteaux, les raquettes et les volants pour qu'ils se mettent déjà en activité. Dans ces matchs amicaux, les Chinois ont remporté 4 rencontres, tandis que les Burundais ont pu gagner 4 matchs. Jean-Marie Vianney Nguendakoumana, c'est sur ces nouvelles sportives que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous les invités aussi pour la mise en onde. Ce journal a été réalisé par Francine Ndéokougaï au micro Jean-Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.